dans les coups durs, on s'en aperçoit. Le fait de travailler m'empêchait de... Je ne pouvais pas me vanter. Je pensais à autre chose, vraiment. Avez-vous envisagé de ne pas vous accrocher aux objets et aux lieux, enfin à tous les souvenirs de votre passé heureux? Au contraire, je me plais dans ces souvenirs parce qu'ils sont agréables. Ans que Joey Negro mixe le disco avec la house. Et là, il s'attaque avec amour au chef-d'œuvre de Gladys Knight, Boogie Boogie, pour le Boogie Boogie. Et nous sommes sur l'île de Wright. Nous sommes en 2021. Gladys, Joey. peuvent très normalement s'interroger, car le genre de musique qu'ils reçoivent avec vous peut leur sembler insolite, inouï au vrai sens du terme, venu d'ailleurs mais autrement que l'autre. Alors, avez-vous une explication à leur fournir? Non, pas un mode d'emploi, surtout pas de mode d'emploi. Pas de mode d'emploi, mais je concevrais. Mais je comprendrais tout à fait bien qu'un auditeur puisse avoir le sentiment de ne rien entendre. C'est-à-dire qu'il n'y a là rien. Et vraiment, je n'en voudrais pas du tout à l'auditeur de se laisser aller à ce sentiment. Je conseillerais même de le poursuivre, d'aller encore plus loin dans cette pensée. Parce que peut-être, au fond de ce rien, quelque chose d'autre pourrait se découvrir. Enfin, je ne sais pas. Henri Purcell compose The Cold Song. 1981, Klaus Nomi reprend le titre pour en faire un hymne queer démentiel. 2023, Vladimir Cauchemar remixe le Cold Song de Klaus Nomi et de Henri Purcell. Souvent une autre personne que celle qu'on prétend être, de prime abord. On met toujours du temps aussi à montrer tout de nous, surtout à quelqu'un à qui on veut plaire. Moi et mon foutu piano, on a parfois l'air mélancolique, un peu sérieux, un peu lisse. Et ça me plaît quelque part de laisser cette image. J'aime bien en jouer. Mais sous ce voile minutieusement pondéré se cache un autre type, complètement taré. L'idée du paradoxe, sculptée depuis le premier album, n'est pas là par hasard. Je suis pas plus original que la plupart des gens, et la plupart des gens sont complexes. Mais cette complexité, elle n'est pas toujours simple à offrir. Il faut l'aimer. Aimer quelqu'un, c'est déjà s'aimer bien. C'est arriver à l'endroit de confiance en l'autre, où plus rien ne nous retient, d'assumer l'éventail de qui nous sommes, pleinement. De ne plus faire de mystère sur sa folie, ses névroses, ses peurs, son foutraque ou son fun. Voilà, dans la culotte, langue d'écriture choisie. Tout montrait à l'être aimé. Cet être, je ne lui voile rien. Je m'en suis rendu compte un week-end, dans cette ville qui nous hante tous les deux, où nous pourrions, pourquoi pas un jour, poser nos valises. Nous avions croqué chaque instant, du frioul au goud, des jardins d'été suspendus à l'ombre fraîche des soirées de Noailles et de l'Estac. Un plongeon vernu au long et la calanque du Jonquier, une nuit sans fin sur le Courju à danser comme des barges, dans la moiteur rock des bars transpirants. Jamais une ville ne m'a tant bouleversé. Je suis tombé fou pour elle. Son bordel, sa lumière, sa fièvre, son baiser de soleil, son parfum de fumée, de bougainvillier, de pierre blanche et d'anis, d'amour déculotté et de populaire. Je suis tombé fou pour elle et pour elle. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Encore tout dans le grand bain. J'ai toujours pas nagé. Et on me dit que l'océan est ma maison. On m'a traité de macaque. Grand sang, je m'adapte. Maman disait ne dors pas pour tes rêves et fais attention. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. J'suis dans mon trip, oh my god. Mais j'peux pas trop parler. Tout ce qui se dit la nuit ne voit jamais le jour. Il faut du cœur et du courage. Il faut quand même de l'amour là. Papa disait si personne te comprend, fais-le en chanson. Je l'ai juré sur ma vie. Comme c'est toujours Dieu qui donne, on se contentera pas de l'heure minimum. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Amour suprême, ça c'est l'amour suprême. Mais chez vous c'est comment? C'est ça même. Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Amour suprême, ça c'est l'amour suprême. Mais chez vous c'est comment? C'est ça même. Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Amour suprême, ça c'est l'amour suprême. C'est ça même, c'est ça même. Ce qui a toujours été le vœu secret que j'ai fait en commençant à faire de la musique, c'est-à-dire proposer une musique qui n'impose rien, qui ne cherche pas à convaincre, qui ne s'étaye pas de théorie, mais qui soit un univers capable de susciter chez celui qui l'écoute des images, son propre reflet en quelque sorte. Nous revenons encore à ce reflet, son miroir, que ce soit simplement un miroir fait de son dans lequel chacun peut retrouver sa vie. La French Touch, la Yellow Production, 1995. Sensation bizarre. Bonsoir. Il est presque 2 heures. Il est juste 2 heures. Bon, hein. Quoi d'autre de nouveau? Vous voulez un prêt? Bon, oh, j'y suis décidé de toute façon. sans doute l'un des plus grands compositeurs et arrangeurs de l'histoire du jazz, du cool jazz, du free jazz et de la fusion. Les 11, 12 et 13 juin 1974, Gil Evans enregistre avec son orchestre des thèmes de Jimi Hendrix. C'est l'un des croisements les plus fous de ce début des années 70. Crosstown Traffic, 3 jours d'enregistrement et l'affaire est bouclée. Fun. But look, darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, all I can see is a traffic jam up ahead. You're just like so hard to get through to you. I don't need to run over you, girl. All you do is slow me down. And I got better things waiting for me on the other side of town. I got so many better, juicy kind of things. Get on back, baby, let me through. Cause I got some big, pretty things waiting for me on the other side of. Don't slow me down, baby. Good God. Just move on back, baby. I'm going on the other side. C'est vrai que le soleil brille dans des milliers de maisons, des milliers de chambres et dans des milliers de cœurs, et que chaque rayon de soleil est en même temps la totalité du soleil. Et je crois que c'est en effet le rêve de tout artiste de parvenir à capter un de ces rayons pour essayer d'en faire se réfléchir l'image dans le cœur de l'autre, de celui qui écoute ou de celui qui lit ou de celui qui regarde, qui voit. Et si ce but est atteint, je crois que rien de mieux ne peut être espéré à travers une expression dite d'art, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le vocabulaire et le langage. Et c'est notre powerplay de la semaine. Eliane Radig, mais aussi Mézig et ses mégots. Et son électro-dépôt pour ce classique J-Cute. C'est la barbe parfaite. C'est la barbe à papa. Et bien dégagée derrière les oreilles. la nuit des temps, l'international de la danse. J'ai vu tout ce boulot. C'est jeudi. Et vous êtes sur Radio Dio. Dans le quartier de Harlem en 1964. Mais le gros de la production se déroulera pendant les années 70 jusqu'à l'orée des années 80. The Main Ingredient, optera pour différents formats selon ses membres de l'époque. Mais le groupe maintiendra tout le long de sa production un sens du groove classique et plutôt bien senti. Là, nous sommes en 1981. The Main Ingredient. Evening Love. Love. Love. Love. Compositeur tenu d'apporter votre contribution à un film, par exemple. Si je tombe en résonance avec l'auteur, oui. S'il s'agissait de Monsieur René, par exemple, ou de Madame Duras, oui, avec joie. Parce que je pense que je pourrais m'intégrer dans leurs propos, enfin, dans une perspective comme celle qu'ils... Montre n'est pas le mot, enfin je cherche le mot qui conviendrait à une telle ampleur, à une telle profondeur. Et d'ailleurs, je sais très exactement de quelle façon je le ferai. Je ferai un peu comme pour cette émission. Une musique qui aurait la durée exacte du film et qu'il citerait. Prends le temps de regarder un bourgeon éclater. Prends le temps d'aimer la pluie, de chanter, de crier que la vie est belle. Et alors tu verras, la joie régnera en toi. Tu danseras. ciel de la lumière pleuvra. De la lumière multicolore. Même l'hiver tu seras gai. Et dans la neige tu chanteras, tu éclateras. Envahira ton cœur tout doucement. Et tu verras, la vie est belle. Alors, prends le temps de cueillir une fleur. Prends le temps d'écouter ton cœur battre. Prends le temps de penser aux couleurs de l'arc-en-ciel. La vie est belle quand on veut, tu sais. Bientôt 22h sur Duo. Avons-nous bien pris le temps de danser? Avons-nous pris le temps d'écouter? En tout cas, nous on a pris le temps de recevoir du beau monde ce soir sur le dance floor de la nuit des temps. Alors oui, on a ouvert le bal avec Mézig qui a posé la question du bac. Quel est le problème de la French Touch? Et Mézig était notre powerplay de la semaine. Ensuite, on a reçu Gladys Knight, qui était remixée par Dave Lee depuis son Angleterre natale. Et dans la série Reprise ou Remix, c'est un pas de géant que nous avons fait entre Henri Purcell, Klaus Nomi et Vladimir Cauchemar, et la fameuse Cold Song. On a également reçu Youssoufa, qui nous a raconté l'amour suprême. Et puis tiens, la Yellow 357, c'était toute l'histoire de Yellow Productions, les débuts de la French Touch, qui aura répondu à Mézig sur la question justement de cette French Touch et toute son histoire. Et puis l'orchestre de Gil Evans, qui aura repris Jimi Hendrix à coups de sax et de drums. Du vent, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent, des cuivres, avec The Main Ingredient. Ça, c'était depuis Harlem, au tout début des années 80. Et un dernier détour avec les percussions des gamins dans les années 60, en pleine expérimentation, dans leur école. Là, c'était l'école Freinet, libre expression. Et ce sont ces gamins qui nous demandent si nous avons bien écouté, si nous avons bien dansé. Tout comme la voix d'Eliane Radig, une pionnière des musiques électroniques et des musiques minimalistes dès les années 60, qui aura commenté toute cette session. Et ça tombe bien, parce qu'à mon avis, Eliane Radig, c'est une copine à Dan. Dan qui arrive, qui installe ses machines et qui va produire des sons en direct pendant 2 heures sur Saint-Étienne, en passant par l'antenne de Duo et les ondes qui vont retomber dans toutes les oreilles. Dans quelques instants, comme à la radio, le temps que tout s'installe, 2-3 bonus. si nous nous demandons si nous avons bien écouté, si nous avons bien dansé, on peut aussi se demander si nous avons bien regardé les étoiles dans le ciel de Saint-Étienne. Restez bien à l'écoute. Buona notte. Salut.